Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Vers les années 92, je me rends à un festival de cinéma en Martinique. De vraies rencontres caribéennes. Des Trinidadiens, des Cubains, des Dominicains. Un Barbadien. Au bout de 2 jours, le Barbadien me demande si je connais Derek Walcott. J'avais entendu parler de cet auteur originaire de Sainte-Lucie. Dommage, me dit-il. Pourquoi ? Tu devrais le lire. Il a écrit plusieurs pièces, beaucoup de poèmes et notamment une pièce qui s'appelle Pantomime. Je trouve la pièce, je l'adapte et je l'ai jouée plus de 150 fois. Mais j'ai surtout découvert un extraordinaire auteur dont les poèmes évoquent tous à leur manière, comme Césaire, comme Chamoiseau, comme Glissant, la vie et la culture caribéenne. Cette même conception du paysage qui fait mémoire pour ceux dont l'histoire a été brisée par la terrible tragédie de la traversée. Des poèmes tournés vers la mer. Avez-vous jamais, levant les yeux d'une grève isolée, aperçu un voilier au loin? Eh bien, quand j'écrirai ce poème, chaque phrase sera trempée de sel. Je tirerai et nourrai chaque vers, aussi serré que les cordes de son gréement. En discours simple, mon langage ordinaire sera le vent, et mes pages, les voiles du bateau, le flight. Mais laissez-moi vous conter le commencement. Dans la paresse d'août, quand la mer est calme, et que les feuilles d'îles rousses collent au bord de ma Caraïbe, j'éteins la lampe près du front sans rêve de Maria Concepcion pour embarquer matelot sur un bateau, le flight. Dans la cour qui grisaille avec l'aube, je reste comme une statue et rien d'autre qui bouge que la mer froide, ondulant comme de la tôle, et les clous des étoiles dans le toit du ciel, jusqu'à ce qu'un alizé se mette à bousculer les arbres. En descendant la côte, je croise ma sèche voisine qui balaie la cour et j'allais pour lui dire « Balaie mollo, sorcière, elle n'a pas le sommeil profond !» Mais la garce me regarde comme si j'étais mort. Un taxi pays stop, les feux encore allumés. Le chauffeur avise mes bagages et ricane. « Voilà ça, Chabin, ou capati pour de bon ?» Je réponds pas à ce con. Simplement, je m'empile à l'arrière et je regarde le ciel qui brûle sur la colline Laventille. Rose. Comme la chemise de la femme que j'ai laissée endormie. Et je regarde dans le rétroviseur, et je vois un homme exactement comme moi, et cet homme pleurait sur les maisons, les rues, toute cette île merdique. Seigneur, aie pitié de tout ce qui dort, depuis ce chien qui pourrit dans Wrighton Road, jusqu'à moi, quand j'étais comme un chien dans ces rues. Si l'amour de ces îles doit être mon lot, loin de la corruption, mon âme s'envole. Car ils avaient commencé à m'empoisonner l'âme avec leurs grosses maisons, grosses bagnoles, gros pognons, tous ces coulis négros, syriens, français, créoles. Alors je le leur laisse pour eux, leur carnaval. Je me fais un dernier plongeon dans la mer et en route. Car je connais ces îles de Monos à Nassau, de Trinidad à Guantanamo, de Marie-Galante à Barbuda. Matelots au crâne rouille et aux yeux glauques, on m'appelle Chabin. Le surnom en créole de tous les nègres rouges. Et moi, Chabin, j'ai vu ces taudis de l'Empire quand ils étaient un paradis. Je ne suis qu'un nègre rouge qui aime la mer. J'ai reçu une solide éducation coloniale. J'ai du hollandais en moi, du nègre, de l'anglais. Et soit je ne suis personne, soit je suis une nation. »